Victorin Hulot et le ministre se connaissaient depuis longtemps. Aussi le maréchal le reçut-il avec une affabilité caractéristique et de bon augure. « Mon ami, dit le vieux guerrier, j'ai juré dans ce cabinet à votre oncle le maréchal de prendre soin de votre mère. Cette sainte femme va recouvrer la santé, m'a-t-on dit. Le moment est venu de panser vos plaies. J'ai là 200 000 francs pour vous. Je vais vous les remettre. » L'avocat fit un geste digne de son oncle le maréchal. « Rassurez-vous, dit le prince en souriant, c'est un fidéicommis. Les jours sont comptés, je ne serai pas toujours là. Prenez donc cette somme et remplacez-moi dans le sein de votre famille. Vous pouvez vous servir de cet argent pour payer les hypothèques qui grèvent votre maison. Ces 200 000 francs appartiennent à votre mère et à votre sœur. Si je donnais cette somme à Madame Hulot, son dévouement à son mari me ferait craindre de l'avoir dissipée. Et l'intention de ceux qui la rendent est que ce soit le pain de Madame Hulot et celui de sa fille, la comtesse de Steinbock. Vous êtes un homme sage, le digne fils de votre noble mère, le vrai neveu de mon ami le maréchal. Vous êtes bien apprécié ici, mon cher ami, comme ailleurs. Soyez donc l'ange tutélaire de votre famille. Acceptez le legs de votre oncle et le mien. Monseigneur, dit Hulot en prenant la main du ministre et la lui serrant. Des hommes comme vous savent que les remerciements en paroles ne signifient rien. La reconnaissance se prouve. Prouvez-moi la vôtre, dit le vieux soldat. Que faut-il faire?